Ludo in the Mix, Ludo in the Mix, le vendredi et le samedi à 21h sur Sorgia FM. You can feel it, rhythm is a dancer. Samedi à 21h sur Sorgia FM. The river of the night.

Mix, le vendredi et le samedi à 21h sur Tour GFM. It's time to put an end to it. Try to clean my hair again. Start to resuscitate my engine. Try to walk back where I ran. Keep control. Try to keep the frequency. Keep control of me. Try to keep the frequency. I'll break up all the things behind me. Going on. Blessed be our new founding fathers and America, a nation reborn. May God be with you all. The Mix, le vendredi et le samedi à 21h sur

vendredi et le samedi à 21h sur Sorgi FM. Le mix de Ludo. Oh,

Ludo in the mix. Le vendredi et le samedi à 21h sur CFM. Yeah. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Different faces, no names, places I've never been. le vendredi et le samedi à 21h sur GFM. I'm found some better place and I miss you. Have the deserts missed the rain? Boom, baby, be mine. change your mind, what you gonna do? Easy come, come the way you go. I'll never find what I'm looking for. Is it love? what you need. Ain't nobody gonna do it like me. We are burning.

été faussé, ouais, ça rend le bolobo. Tout ce temps caché, ouais, ça rend le bolobo. Tout ça pour rien, ouais, ça rend le bolobo. Tout ça pour rien, ouais, ça rend le bolobo. Passez une bonne soirée à l'écoute de Serge FM. Oui, je parle seulement maintenant, désolé. La concentration oblige pendant 2 heures quand on se fait ces émissions. Du coup voilà, rendez-vous demain, 21h-23h. Dis-moi, on y va si tu me voles. Là, j'ai senti mon manque. Un voyage sur la côte, bébé, j'paye le prix s'il le faut. Ah, oh, s'il le faut pour toi. Pour acharner le coco. Diamant, 5 mois, c'est fait. Toi, le même sur ton doigt. Amitié, fossé, ouais, ça rend le bolobo. Tout ce temps caché, ouais, ça rend le bolobo. Tout ça pour rien, ouais, ça rend le bolobo. Ludo in the mix, Ludo in the mix, le vendredi et le samedi à 21h sur Sorgi FM.